Bien, bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ces deux journées de conférences consacrées à l'histoire de la lutte contre le VIH-Sida à Saint-Étienne. Si les sciences sociales et politiques ont très tôt contribué à écrire cette histoire et continuent de le faire génération après génération et dans des contextes sociopolitiques variés, il nous semblait opportun, à l'heure où la question du témoignage et de la mémoire de la lutte devient un enjeu, de proposer à notre tour de contribuer à ce travail collectif en essayant de voir avec vous ce qui pourrait être une histoire stéphanoise de la lutte contre le VIH-Sida. En nous situant à cette échelle, notre idée c'est de faire émerger ou réémerger des expériences de ceux et celles qui, depuis le début de l'épidémie, ont été ou sont encore en première ligne dans la lutte contre le VIH-Sida à Saint-Étienne. De revenir sur leur engagement personnel, mais aussi sur leur engagement collectif, de recueillir des témoignages aussi, dans le but de bricoler ce qui pourrait être une histoire sociale de la lutte contre le VIH-Sida. Peut-être que l'on pourrait aussi faire l'hypothèse qu'il s'est forgé une culture populaire de la lutte contre le sida à Saint-Étienne. En tout cas, l'idée, c'est de la proposer au débat pendant au moins ces deux journées. Alors, je ne sais pas exactement ce qui nous a pris de prendre cette initiative ou de nous lancer dans cette aventure, puisque nous ne sommes ni l'un ni l'autre spécialistes de ces questions. Mais celle-ci n'est peut-être pas sans rapport avec des travaux qui ont été menés pendant quelques années par des chercheurs d'un laboratoire stéphanois de sociologie qui s'appelle le CRESAL, le Centre de Recherche et d'Études de Sociologie Appliquée à la Loire, et des travaux qui concernaient l'engagement et le militantisme issus de la société civile au milieu des années 1990. Et dans ces travaux, il a été question à plusieurs reprises de lutte contre le VIH, le sida, et notamment, souvent sont venus à Saint-Étienne deux chercheurs qui ont travaillé sur les associations de lutte, je pense à Olivier Filleul et Christophe Broca, qui ont été des partenaires, des interlocuteurs réguliers du CRESAL. Et je pense aussi à deux témoignages, qui sont deux témoignages très forts, qui ont été tenus ici à Saint-Étienne dans le cadre des colloques organisés par le CRESAL. Le premier, c'est un témoignage de Pierre Lascoum. Pierre Lascoum, juriste, politiste, sociologue, qui, en 1996, avait témoigné sur son engagement. Il avait fait un témoignage très très fort. Et puis, un deuxième texte ou témoignage, un peu plus peut-être discret. C'est un tout petit texte qu'on trouve dans un ouvrage, là aussi, du sociologue Jacques Yon, qui était un des sociologues phares de ce laboratoire, qui est paru dans un ouvrage donc qui s'intitule « Que sont les dirigeants associatifs devenus ?» et où il est question des administrateurs de l'association AIDE qui deviendra Actis à Saint-Étienne en 1989. Voilà, ce sont donc ces deux témoignages, en quelque sorte, qui, comme les travaux qui ont été menés par ce laboratoire, qui sont peut-être à l'origine, au moins inconscientes, de ces deux journées. Alors on voudrait aujourd'hui accompagner ces textes d'autres témoignages. On voudra en quelque sorte prolonger ces premières traces. Des témoignages issus autant du champ associatif et militant que du champ médical. Et surtout, les mettre en perspective, les questionner au cours de ces deux journées, dont Fanny va vous rappeler quelques axes. Oui, donc on espère pouvoir prolonger ces journées avec la publication peut-être d'un ouvrage, on verra, qui donnera matière écrite, qui laissera une source écrite à ces témoignages qu'on aura aujourd'hui et à ces travaux de chercheurs et chercheuses, parce qu'il n'y a pas que des témoignages d'acteurs et d'actrices de l'époque qui auront lieu. Et puis, en entreprenant ces journées, on aimerait aussi contribuer, alors en toute modestie évidemment, mais d'une part à l'histoire de la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida, qui a été beaucoup racontée, popularisée, écrite par les principaux représentants associatifs des principales associations qui étaient, et que sont AIDE et ACT UP, et surtout à partir de Marseille et de Paris, qui sont un petit peu décrits comme les hauts lieux de la mobilisation et de la lutte contre le VIH-Sida. Donc là, on voudrait contribuer à cette histoire-là, mais en détournant un peu le regard, ou plutôt en déplaçant un peu le regard, vers un lieu moins étudié, un peu plus périphérique, qui est Saint-Étienne. Et puis, d'autre part, on voit aussi ces journées comme une contribution à l'histoire des mobilisations, à l'histoire associative et militante stéphanoise. qui fait la richesse des habitants et la fierté des habitants et des habitantes de la ville, en se demandant quelle place trouve le VIH-SIDA, occupe le VIH-SIDA dans l'histoire de ces mobilisations locales et dans cette histoire associative locale. Et puis, on voudrait aussi interroger de manière plus large ce que la configuration socio-politico-économique territoriale de Saint-Étienne, locale, comment le contexte territorial local a pu déterminer ou peut déterminer, former, travailler cette lutte ou ces formes de lutte contre l'épidémie ici à Saint-Étienne. Alors cette interrogation sur la place et le rôle du territoire dans voilà, la formation de ces luttes ici, c'est une question qui est évidemment très ambitieuse. On n'y trouvera probablement pas toutes les réponses dans ces journées. Enfin, on n'arrivera pas forcément à y répondre. Mais on se propose en tout cas d'ouvrir ce chantier, qui est un chantier qui fait écho aussi aux thématiques de recherche de notre laboratoire. Notre laboratoire qui s'appelle Triangle. Il y a plusieurs membres aussi qui interviendront au cours de ces journées qui font partie de ce laboratoire et dont il y a une partie de ces recherches qui tournent autour des questions territoriales. Et puis notre département universitaire auquel on est rattaché pour la partie enseignement, donc le DEPT qui nous accueille aujourd'hui, le département d'études politiques et territoriales, eh bien, s'intéresse aussi très largement à cette question du territoire, des territoires délaissés. Et donc, d'une certaine façon, nos journées espèrent pouvoir contribuer un petit peu à ce programme de recherche et d'enseignement. Et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, on organise aussi ces journées dans le cadre d'un module de cours, donc à destination de nos étudiants et étudiantes, en l'occurrence plutôt nos étudiantes de Master 1, qui donc suivent ces deux journées dans le cadre de leur maquette de formation. Et on s'était dit aussi que c'était intéressant pour elles, pour eux, de connaître cette histoire de la lutte contre le VIH-SIDA, parce que c'est une histoire qui est à la fois lointaine, parce que bon bah, vous êtes principalement des étudiants et des étudiantes, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup nés dans les années 2000, 2002, 2003. Donc, c'est une histoire qui commence à être un peu plus lointaine et qui, en même temps, est une histoire proche, puisqu'elle a structuré les politiques de santé publique. Elle a structuré, elle a permis l'octroi de droits aux malades. Et de ce point de vue-là, c'est une histoire qui est encore contemporaine et qu'il est important de connaître. Et puis, évidemment, eh bien, on voulait vous faire travailler, les étudiants, les étudiantes, sur cette histoire-là. Et ce travail, il va passer par le rendu de podcasts qui seront réalisés en partenariat avec la radio associative locale, qui est Radio Audio, qui est ici, qui va accompagner donc, les étudiantes pour garder une autre trace de cette histoire, cette fois-ci une trace plutôt audio de cette histoire de la lutte contre le VIH-SIDA à Saint-Étienne. Donc on voulait remercier, avant de dire deux mots sur le programme, on voulait remercier toutes les personnes qui participent à ces journées, à l'organisation ou au contenu de ces journées. Donc merci à Radio Audio pour ce partenariat, cet accompagnement des étudiants et des étudiantes et donc pour la captation des journées, parce que les journées sont enregistrées, elles seront rediffusées par morceaux sur l'antenne de Radio Audio dans les prochaines semaines, on va dire. Donc vous pourrez aussi les réécouter de cette manière-là. Merci donc à Samuel Pacro qui n'est pas là, mais qui accompagne les étudiantes pour la formation au podcast. Merci évidemment à notre département, au DEPT, qui a pu financer les trajets des intervenants et des intervenantes. Il a fallu faire des choix financiers. Malheureusement, il y aura pas le repas de midi ne pourra pas être pris en charge. On est désolé pour ce manque-là, qui est lié aux périodes de vaches maigres aussi qu'on traverse, mais on a préféré faire venir des gens parfois loin plutôt que de payer le repas. Bon, ça se discute. L'accueil café, en tout cas, a aussi été payé par la MSH qu'on remercie également. Et puis, enfin, on remercie tous les intervenants et les intervenantes qui sont venus parfois loin et qui viendront ou de plus proche ou de plus près, mais qui viennent pour apporter des témoignages ou parler de leurs recherches sur ces questions-là. Ou pour faire le fil rouge des journées. On remercie notre collègue François Buton.